Puisque tu t'en vas, puisque ta route ne s'arrête pas, puisque tu ne vivras jamais pour toi. Puisque tu m'oublieras, puisque la vie te ramène là-bas, puisque tu n'aimeras jamais autant que moi. Alors prends-moi encore une fois, tout contre toi. Aime-moi plus fort, aime-moi encore une dernière fois. Emmène mon corps jusqu'à l'aurore, où que l'on soit. Donne-moi encore un peu de toi. Puisque tu iras, puisque tant d'autres n'attendent que toi, puisque tu ne vivras jamais pour moi. Puisque tout est trop tard, puisque le temps nous a mis à l'écart, puisque demain tu pars, mais tu t'en vas sans moi. Alors prends-moi encore une fois, tout contre toi. Aime-moi plus fort, aime-moi encore une dernière fois. Emmène mon corps jusqu'à l'aurore, où que l'on soit. Donne-moi encore un peu de toi. Un peu de toi. Alors prends-moi encore une fois, tout contre toi. Aime-moi plus fort, aime-moi encore une dernière fois. Emmène mon corps jusqu'à l'aurore, où que l'on soit.